Résumé des chapitres précédents. Après avoir observé par la fenêtre les mouvements de groupes de jeunes gens, Léon Lemigrène en conclut qu'il doit s'agir d'une manifestation d'étudiants dans le quartier des facultés. Léon Lemigrène ne s'était pas trompé. C'était bien de ça qu'il s'agissait. On y va, proposa Guy. Je ne vous le conseille pas, dit Léon. Nous n'arriverons pas à nous déplacer assez rapidement pour tout voir. Mais qu'à cela ne tienne, il y a bien la télévision ici. Oui, dit Sylvain, en désignant l'appareil. Alors ça marche. Chaque fois que la brigade des masseurs de foule entre en action, s'y retransmet. Et il tourna le bouton. Ça commençait à barder dans le quartier des écoles. Le nombre des étudiants augmentait de minute en minute. Des cris, des lazis, des quolibets fusaient de tous côtés. Des propositions de jeter les proviseurs et les surveillants généraux dans un endroit où l'on ne s'isole généralement que pour des raisons strictement personnelles furent particulièrement bien accueillies. Un soliste, d'une belle voix grave et bien timbrée, entonna soudain un chant mystique dont mille autres voix passionnées lancèrent vers le ciel complice, l'édifiant en refrain. Et on s'en fout d'attraper la vérole, et on s'en fout pourvu qu'un terre, etc., etc. À l'intérieur de la permanence du poste central de massage du 5e district, une cinquantaine de masseurs de foule, en tenue de service, bâton de massage aux côtés et pèlerine idem sur l'épaule, sautaient en état d'alerte sous le commandement d'un brigadier-chef masseur diplômé. Le téléphone sonna impérativement. « Allô ?» fit le brigadier-chef masseur. « Oui, j'écoute. Comment ?» Où? Bon, je note. Bien, parfait. Oui, tout de suite. Il raccrocha et, s'adressant à ses subordonnés, Messieurs, dit-il d'une voix claire et énergique, d'une voix de chef pour tout dire, on vient de m'informer que des groupes d'étudiants commencent à se passer du côté de la faculté de droit, au mépris des ordonnances formelles qu'ils ignorent, ou plutôt qu'ils feignent d'ignorer, car nul n'est censé ignorer la loi. Ils persistent à vouloir se masser eux-mêmes, aussi. Allons-nous leur faire, dans les règles, une petite démonstration de massage légal. En avant ! Et les 50 masseurs de foule, à la suite de leur chef, s'engouffrèrent dans un quart, artistement grillagé, spécialement aménagé à leur intention, et à l'avant duquel flottait un drapeau à croix rouge, largement déployé. Parvenus à destination, ils descendirent et prirent la formation dite de pré-massage, c'est-à-dire les mains bien ouvertes, prêtes à entrer en action. Des cris hostiles les accueillirent. Des projectiles leur furent lancés sans qu'ils se départissent pour autant dans leur calme olympien. Cependant que des groupes de jeunes gens essayaient, avec une chante maladresse, de se masser sur les trottoirs et la chaussée. Le brigadier-chef, mi-souriant, mi-sévère, haussa les épaules. « Regardez-moi ça !» s'écria-t-il. « Ils se massent en dépit du bon sens. Et ça ne fait pas pitié. De quoi je me mêle ? Enfin, c'est jeune et ça ne sait pas. Allons-y, messieurs, à nous !» Et les 50 masseurs s'ébranlèrent en formation, cette fois dite de massage préfectoral. Ils commençaient à ramasser la foule étudiantine à laquelle s'étaient joints, bien involontairement, quelques passants, selon la technique réglementaire. Le brigadier-chef dirigeant l'opération lança un ordre. « Doucement, messieurs, doucement, allez-y d'abord par effleurage. » Et chaque masseur, consciencieusement et avec l'habileté que donne une longue pratique, se mit à caresser le visage d'un manifestant en lui appliquant par alternance de la dextre et de la senestre la face palmaire de la main largement étendue. Le brigadier-chef lança un second commandement. « Massage par percussion, à présent. » Les masseurs firent preuve alors de leur haute qualité professionnelle et massèrent, en donnant des chocs d'abord avec l'extrémité des doigts, puis à l'aide des poings et des pieds, ce dernier massage se révélant particulièrement efficace dans les cas de circulation ralentie et de stationnement réfractaire. Le brigadier-chef lança un coup de sifflet prolongé qui annonçait la troisième et ultime phase de l'opération. Il commanda d'une voix de senteur « Attention, messieurs !» Massage à la pèlerine. Les masseurs de foule roulèrent alors en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, leur pèlerine de massage préalablement enduite de talc pour faciliter le glissement, ils appliquèrent énergiquement sur le dos, le cou et les épaules des manifestants. De l'avis des experts, le traitement fit merveille et les résultats furent instantanément concluants. Bien massés, décontractés, assouplis, détendus, les jeunes gens s'étendirent à même le sol en exécutant des mouvements respiratoires qui terminèrent heureusement la séance. Par un honorable et fort louable souci de fignolage, quelques-uns d'entre eux furent délicatement emportés et emmenés dans des salles de repos, afin que, si besoin était, un massage supplémentaire leur soit administré, suivant les règles de l'art et de l'anatomie différées. Le brigadier-chef siffla le rassemblement, les 50 masseurs de foule, fiers de leur devoir accompli, regagnèrent leur car qui démarra un continent en direction du centre préfectoral de massage. Guy et Sylvain, qui avaient attentivement suivi le déroulement des événements sur l'écran de l'appareil de télévision, ne purent se retenir d'exprimer leur admiration à Léon Lemigraine. « Belle réalisation humaine et sociale, » dit Guy. « Et combien génératrice d'ordre et d'harmonie, » dit Sylvain. « Qui sont, comme chacun sait, » ajouta Léon Lemigraine, « les deux mamelles de la démocratie infuse. » À suivre, prudemment, sagement et réciproquement. Résumé des chapitres précédents. Guy et Sylvain viennent d'exprimer à Léon Lemigraine leur admiration à l'égard de la brigade des masseurs de foule. À une cinquantaine de kilomètres environ au sud-ouest d'autres lieux, un spectacle grandiose s'offre aux yeux émerveillés du voyageur attardé ou en avance sur son oreille. Car il aperçoit à ses pieds un paysage d'une grandeur sauvage et magnifique. C'est la région des grandes carrières administratives, exploitation d'État, d'où le gouvernement d'autres lieux tire une part substantielle de ses revenus. Et le voyageur attardé, ou en avance, ne peut s'empêcher de murmurer en les contemplant. C'est formidable. Et c'est en effet formidable et impressionnant. On se croirait revenu aux premiers âges, tellement cette région est fantastique. La région des grandes carrières administratives, exploitation d'État, de l'État d'autres lieux, dont son Excellence Alexandre Le Yan est le gouverneur avisé et diligent. Léon Lemigraine en avait longuement parlé à ses deux amis, qui, prodigieusement intéressés, avaient naturellement manifesté le vif désir d'aller les visiter. Léon Lemigraine avait donné un coup de fil à l'ingénieur en chef, Achille Landemur, directeur général de l'exploitation, et rendez-vous avait été pris. Et c'est pourquoi, par cette belle matinée de printemps précoce, les deux amis, en compagnie de Léon Lemigraine, qui conduisait, roulaient en direction de cette région des grandes carrières administratives. Au fur et à mesure qu'ils approchaient du but, le paysage devenait de plus en plus chaotique, le terrain de plus en plus mouvementé. Ils se trouvèrent bientôt devant un cirque de montagne, dont un gardien gardait l'accès. Curieux gardien, d'ailleurs. Vêtu d'un habit beaucoup trop long, d'un gilet qui lui descendait jusqu'aux genoux, d'un pantalon en accordéon, d'une chemise beaucoup trop large, il avait le visage bariolé, enduit de blanc gras et de vermillon. Il portait en outre un faux nez lumineux, une perruque verte surmontée d'un chapeau haute forme en accordéon et avait aux pieds des chaussures démesurées. « Qu'est-ce que c'est que cet Olibrius ?» demanda Guy. « Eh bien, c'est un cirque ici, » répondit Léon Lemigraine. « Un cirque de montagne, d'accord, mais un cirque tout de même. Alors le gardien est habillé en auguste de soirée, n'est-ce pas correct ?»« Absolument, » admit Sylvain. Léon Lemigraine fit connaître le but de sa mission et le gardien, après avoir exécuté une cabriole, les laissa passer. Ils traversèrent le cirque, prirent une route en lacet, une autre en bouton, une troisième en fermeture éclair, et débouchèrent sur un plateau de vastes et nobles proportions. « Sommes arrivés !» annonça Léon Lemigraine. Et tous trois descendirent. Et, tel le voyageur attardé, ou en avance, dont il a déjà été question, Guy et Sylvain s'écrièrent. « C'est formidable, c'est magnifique !» Et c'était vrai. Car devant eux, à perte de vue, s'étalait la région des grandes carrières administratives. Sur des dizaines et des dizaines de kilomètres carrés, des centaines d'hectomètres rectangulaires, des ouvertures béantes laissaient entrevoir d'énormes orifices qui s'ouvraient sur de vertigineuses profondeurs dont le fond était creux. C'étaient les grandes carrières administratives, la fierté et la richesse de l'État d'autres lieux. Un formidable réseau de fils de fer barbelés les entourait, en défendant l'accès au commun des mortels, puisque, comme il a déjà été dit, mais on ne le dira jamais assez, les grandes carrières administratives sont le fief et la propriété absolue de l'État. Bien entendu, on n'entre pas comme dans un moulin dans ces grandes carrières administratives. Ou alors, ce ne serait pas la peine de les entourer de barbelés. Et il est nécessaire de montrer patte blanche pour y pénétrer. Les soldats en armes, dûment casqués et harnachés, faisaient bonne garde. Leur chef fit signe aux trois hommes qui stoppèrent pile. Les soldats manœuvrèrent la culasse de leur carabine. « Vous avez un laissez-passer » demanda-t-il. « Non, » répondit Léon Lemigraine. « Alors ça va, vous pouvez entrer. Parce que vous comprenez... Si vous aviez un laissez-passer, faudrait le vérifier, le contrôler, faire une enquête pour savoir s'il est vrai ou faux. Bref, ça n'en finirait pas. Tandis comme ça va tout seul. « La Biberolle, dit-il à un gradé, conduisez ces messieurs à la direction des travaux. À suivre, de près comme de loin et réciproquement. » Le chef de poste de garde des grandes carrières administratives vient donner l'ordre au gradé La Biberolle de conduire Léon, Guy et Sylvain à la direction des travaux. « Par ici, messieurs, dit le gradé La Biberolle, et il les amena jusqu'au pavillon directorial. Achille, le long du mur, ingénieur en chef et directeur général de l'exploitation, est un homme dynamique et fort courtois. Il reçut fort aimablement les trois amis. « Heureux de vous accueillir en ce domaine, dit-il. J'ai été particulièrement flatté lorsque M. Léon Lamigraine m'a mis au fait que le reporter parisien désirait visiter les grandes carrières. Soyez donc les bienvenus pour la visite de l'exploitation. Désirez-vous venir avec moi ou préférez-vous que je vienne avec vous ?»« Ce sera selon votre bon plaisir, monsieur le directeur, dit Sylvain. Alors, allons-y ensemble. » Ils marchèrent quelques instants et, chemin faisant, Guy et Sylvain sollicitèrent quelques précisions. « Dites-moi, monsieur le directeur, dit Sylvain, il y a longtemps que les grandes carrières administratives existent. Elles existent depuis toujours, plus exactement depuis la formation de la lithosphère. Mais leur exploitation véritable, c'est-à-dire leur exploitation rationnelle, utilitaire et rentable, est infiniment plus récente. Vous allez les voir maintenant en plein rendement. » Guy prit à son tour la parole. « Mais pardon, monsieur le directeur, et je vous prie d'excuser notre ignorance, mais qu'est-ce qu'on extrait des grandes carrières administratives ?» Achille, le long du mur, le souffle coupé n'en revenait pas. « Comment ? » s'écria-t-il. « Vous ne savez pas ? Est-ce possible ? Mais messieurs, ce qu'on extrait des grandes carrières administratives, c'est la paperasse !»« La paperasse ? » s'exclamèrent Guy et Sylvain en chœur. « Eh oui, messieurs, la paperasse ! La paperasse qui, comme chacun le sait, est le matériau de base de l'administration. »« La paperasse !» répétèrent les deux amis. « La paperasse !» confirma le directeur. « Tout comme dans d'autres carrières, on extrait le kaolin, l'argile, le schiste, le quartz ou le feldspath. » « C'est tout simplement merveilleux, » firent-ils, sincèrement extasieux. « Vous pouvez le dire, messieurs, et c'est inépuisable. Voulez-vous pénétrer à ma suite dans cette brèche rocheuse ?»« Là, voilà, nous y sommes. Comme vous pouvez le constater, ça n'est pas un mince travail. » « En effet, » dit Sylvain, « mais à ce moment, le fracas d'une formidable explosion fit trembler les parois de la brèche et déplacer les étais. »« Qu'est-ce, monsieur le directeur ?» fit Sylvain, angoissé. « N'est rien, probablement un monceau de paperasse qui vient de s'écrouler, ça arrive souvent. Belphégor » appela-t-il. Un grand jeune homme mince, aux yeux bleus, caché derrière des lunettes noires, ou aux yeux noirs cachés derrière des lunettes bleues, on le savait au juste, répondit à cet appel. « Monsieur le directeur, » fit-il. Achille, le long du mur, le présenta. « Belphégor l'agrume, ingénieur en second, et l'obligeance d'expliquer à ces messieurs la nature de cette roche. « Cette roche, » dit Belphégor l'agrume, « est une roche paperassière. » Elle offre, comme vous le voyez, l'aspect d'une diorite orbiculaire, à texture grenue en certains endroits et à texture porphyrique en d'autres. Guy et Sylvain, qui n'y entendaient rien, apprécièrent en connaisseur. De toute manière, continua Belphégor, elle est sédimentaire. Ah, elle est sédimentaire, s'exclama Guy. Oui, sauf les dimanches et jours de fête. Naturellement, dit Sylvain. Regardez bien, messieurs, reprit l'ingénieur en second. Les feuilles de paperasse sont détachées de la roche à l'aide d'outils spéciaux d'une grande précision appelée grattoir à paperasse, dont le maniement exige une grande dextérité, ainsi que vous le voyez faire, à ses manœuvres en pleine action. Les feuilles sont ensuite passées au paperassoir, qui les concave ou les convexe, selon leur degré de susceptibilité, puis au laminot paperassoir qui les égalise. Les feuilles de paperasse ainsi préparées sont alors plongées dans une de ces immenses cuves que vous voyez là-bas, ou plutôt que vous pourriez voir si elle n'était pas de l'autre côté de la paroi, et portées à ébullition. « Pardon, » demanda Sylvain, « comment sont-elles portées à ébullition ?» À bout de bras. Elles passent enfin à la section industrielle, où elles sont transformées en bordereaux, étanéants, rôles, notes, avis, règlements, décrets, avertissements, questionnaires, etc., etc. Achille, le long du mur, remercia son second pour des explications pertinentes qu'il venait de donner, et Belphégor l'agrume retourna à son travail. « Et dites-vous, monsieur le directeur, » reprit Guy, « quelle est votre production ?»« Elle est formidable, messieurs. Jugez-en. Nous avons extrait au cours du dernier exercice 75 millions de tonnes de paperasse, et nous espérons faire mieux. » car nous suffisons à peine à la demande. L'administration a des besoins sans cesse grandissants. Le visage du directeur devint grave. Mais nous battrons nos records. Chaque ouvrier ici a conscience de la grandeur de sa tâche et, comme on dit en langage d'école paprasquière, en met vachement un drôle de coup. Et en guise de conclusion, il ajouta : Oui, monsieur, vous devez le dire autour de vous. Le public peut compter sur nous, car ce n'est pas encore demain que le monde manquera de paperasse. Guy et Sylvain serrèrent chaleureusement les mains de cet excellent homme et prirent congé. Mais où est donc Léon ? S'inquiéta tout à coup Guy, car celui-ci avait disparu. Ils finirent par le retrouver, après une demi-heure d'infructueuses recherches, aux trois quarts accroupis sur une paroi rocheuse, en train de sacrifier à son vice favori. « N'avez pas honte ?» lui reprocha véhémentement Sylvain. « Eh ben quoi » protesta-t-il. « Pour une fois que j'ai l'occasion de me trouver devant une roche sédimentaire, et tout de même pas la rater. » Ce qui, en la présente conjoncture, était plaisante façon de parler. À suivre avec empressement et diligence. Sylvain et Guy, en compagnie de Léon Lamigraine, viennent de visiter les grandes carrières administratives d'autres lieux. Ils remontèrent en voiture. Léon Lamigraine s'installa au volant et ils prirent le chemin du retour en utilisant une route secondaire. Ça changera un peu, dit Léon. Et puis vous verrez, c'est moins joli, mais c'est beaucoup plus pittoresque. Le fait est que ça valait la peine d'être vu. Ils traversèrent d'abord une campagne verte et riante, puis une autre jaune et maussade, une troisième mi-figue mi-raisin, une quatrième qui n'offrait rien de particulier, sinon qu'elle avait l'air de s'intéresser totalement de ce qui se passait sur son sol. Une campagne désabusée, en quelque sorte, et aigrie en plus d'un endroit. Léon Lamigraine ralentit et, se frappant le front, ce qui le changeait un peu, s'écria tout soudain. « Dites donc, les gars, j'y pense. Vous n'êtes pas encore allé à Chanceville ?»« Où ça ?» firent les deux autres. « À Chanceville. »« Non. Qu'est-ce que c'est ça, Chanceville ?» demanda Guy. « C'est un des patins les plus pittoresques du gouvernement d'autres lieux. » Vous expliquerez, et puis vous verrez vous-même. Ça vaudra mieux que toutes les explications. On va y aller avant de rentrer à autre lieu. Ça va nous faire un petit crochet de 350 km, mais il y en a à peine pour une demi-heure. Vous n'avez pas la prétention de faire 350 km en une demi-heure, dit Sylvain. Si, affirma Léon, parce que ce sont des petits kilomètres. Comment ça, des petits kilomètres, étonna Guy. Il y a tout de même bien 1000 mètres dans chacun de vos petits kilomètres. Bien sûr, mais ce sont des petits mètres. Des petits mètres, des petits mètres. Et qu'il faut tout de même 100 centimètres l'un dans l'autre. « Ouais, mais ce sont des petits centimètres. » Guy et Sylvain laissèrent tomber en haussant les épaules. « Ça vous étonne ce que je vous dis. C'est pourtant comme ça sur tout le territoire d'autre lieu. »« Ça va, Léon, » dit Guy, changer de disque. « Quoi ? Vous avez bien le système métrique à autre lieu, » dit Sylvain. « Ben, évidemment. Mais une fois pour toutes, ayez toujours présent à la mémoire que vous êtes du côté d'ailleurs, et que du côté d'ailleurs, les choses se passent différemment. Quand même, protesta Guy, le système métrique. Même le système métrique. Le mètre est chez nous, la mesure est talon, d'accord. » Mais ça ne nous empêche pas d'en user avec une certaine fantaisie. Ça varie selon les jours, les saisons, les provinces, le temps et l'humeur des usagers. Et alors, fit Sylvain, et alors, il arrive que si vous achetez un jour 250 mètres de ruban, selon l'humeur du marchand ou les conditions du moment, on vous en donnera un petit morceau pas plus grand qu'une règle à calcul. Il se peut que le lendemain, si vous en demandez 50 centimètres, on vous en colle de quoi remplir une camionnette. Voilà pourquoi je vous dis qu'il n'y en a que pour une demi-heure pour faire les 350 km qui nous séparent de Chanceville. Bon, admettons, soupira Sylvain. Alors, va pour Chanceville. Sylvain tourna à droite et s'engagea sur une route moyenne, bordée d'arbres d'un côté et de noirs de l'autre. Ils roulèrent silencieusement un bon moment. Piggy sortant de ce mutisme. Enfin, qu'est-ce que c'est Chanceville ? Ben, comme son nom l'indique, voulut bien répondre Léon, c'est la ville de la chance. Et comment appelle-t-on les habitants ? Les chanceurs ? « Eh, tout de même pas nous dire, fit Sylvain, que cette cité n'est habitée que par des gens qui ont de la chance. »« mais si, affirma Léon Lamigraine. »« C'est impossible, c'est de l'utopie, s'écria Guy. »« Du côté d'ailleurs, rien n'est impossible, rien n'est utopique, déclara sentencieusement Léon. »« Mais comment cette chose inconcevable est-elle possible ? Suivez-moi bien. »« Il est, vous le savez, communément admis que la chance, on l'a ou on ne l'a pas. »« C'est juste, admis Guy. C'est un peu comme la scarlatine. »« Oui, sauf que s'il est bon d'avoir de la chance, il n'est pas d'avoir la scarlatine. » Or, il y a de ça très longtemps, un habitant d'autre lieu, qui avait la veine d'avoir de la chance, émit l'idée que la chance se rapprochait des phénomènes électromagnétiques. Comment ça ? En partant du principe que, à l'instar des molécules magnétiques, la chance doit attirer la chance. Alors pourquoi y a-t-il si peu de gens qui ont de la chance? Parce que, comme le disait encore cet homme, ils ne savent pas se grouper. À l'ordinaire, la chance confère à celui qui en est l'heureux bénéficiaire une sorte d'égoïsme qui l'incite à jouir de sa chance isolément. Donc cet homme de bien, ce pionnier, résolu de mettre en pratique sa théorie de l'attirance de la chance par la chance. Il groupa autour de lui certains élus de la chance qui, séduits par cette idée nouvelle, le suivirent et fondèrent avec lui et sous sa direction cette cité de la chance à laquelle ils donnèrent le nom de Chanceville et vers laquelle nous roulons présentement. Et, questionna Guy, tous les gens qui habitent Chanceville continuent à avoir de la chance? Exactement. L'expérience a pleinement justifié la théorie. Mais alors, objecta Sylvain dans ce cas, pourquoi tous les autres habitants du gouvernement d'autres lieux ne vont-ils pas visiter Chanceville? Parce que, je vous le répète, on admet à Chanceville que des gens qui peuvent prouver qu'ils ont eu de la chance. Les règlements sont très stricts et n'admettent aucune dérogation. Ah, nous approchons. Effectivement, une plaque indicatrice portait en lettres capitales Chanceville. À suivre, avec une plume au chapeau et aux lèvres une chanson. Résumer les chapitres précédents. Sylvain et Guy, pilotés par Léon Lamigraine, aperçoivent une plaque indicatrice portant en lettres capitales Chanceville. Nous y voilà, dit Léon. Tiens, s'étonna Sylvain, comment se fait-il? Il pleut à torrent. Il y a deux secondes, juste avant d'arriver, il faisait un temps splendide, ajouta Guy. Ah, s'écria Léon sans répondre à la question, voilà un indigène de Chanceville. Ce type qui s'avance là, demanda Sylvain, c'est un chanceur? Oui. Eh ben, mon salaud, firent les deux amis en cœur. Leur étonnement et leur surprise étaient pleinement justifiés, car l'aspect du premier habitant de Chanceville qu'ils apercevaient était pour le moins déconcertant. Il était hâve, décharné, les cheveux et la barbe hirsutes, ses vêtements étaient en loques, ses souliers crevés et éculés. Mais, chose extraordinaire, malgré ce misérable accoutrement, il arborait un visage satisfait qu'un large sourire éclairait joyeusement. « Allez-y, dit Léon, interrogez-le, vous allez voir. »« Salut, monsieur, je t'ai dit. »« Bonjour, monsieur, » répondit aimablement l'homme. « Excusez-nous, monsieur, dit à son tour Sylvain, vous êtes un habitant de Chanceville. »« Oui, monsieur, j'ai cet avantage. Je suis un de ces heureux chanceurs, et vous venez sans doute pour visiter notre belle cité. » « C'est exactement ça, monsieur. »« Eh ben, vous tombez bien, parce que véritablement aujourd'hui, il fait un temps splendide. »« Comment splendide, dit Pleuasso ?»« Justement, monsieur, justement. On a vraiment de la chance aujourd'hui. Enfin, c'est-à-dire que nous avons encore plus que d'habitude. »« Que d'habitude ? » ?»« Eh oui, parce que d'habitude, il neige. » Et alors, intervint Guy, quand il neige, vous estimez que vous avez de la chance? Ben, je vous crois. Songez, monsieur, que dans le temps, il ne tombait à Chanceville que de la grêle ou de la suie. Ça s'est atténué en se transformant en neige. Et voilà qu'aujourd'hui, ça se transforme en pluie. Alors pensez si on a de la chance. Parce qu'entre nous, monsieur, après la grêle, la suie, la neige et l'eau, qu'est-ce que vous voulez qu'il tombe? Eh bien, mais, oui, je sais, mais enfin, c'est rare. Ça n'est jamais arrivé. Mais si ça arrive, ça comblera nos voeux. Ce sera la consécration, le couronnement, l'apothéose de notre chance. Et ça ne fera que la renforcer. Ah, messieurs, nous sommes un pays verni. Alors au revoir et bonne chance. Et l'homme s'éloigna en chantant à pleine voix un arrangement sur les préludes de Liszt. Eh ben, s'écria Léon, qu'est-ce que vous en dites? Sensationnel, s'exclama Guy. C'est, ajouta Sylvain, une conception qui se déforme et qui ne laisse pas d'être un peu spécieuse. Il est en tout cas d'une rigoureuse logique, dit Léon. Et maintenant, allons visiter la ville. Il accéléra doucement et la voiture avança à 10 à l'heure. Guy et Sylvain ouvraient les yeux littéralement ahuris. Une joyeuse animation régnait au cœur de la cité. Les gens riaient, chantaient, dansaient, se trémoussaient en tous sens et n'exprimaient que la joie de vivre. Et pourtant, aussi loin que les regards pouvaient s'étendre, on n'apercevait que chaussées crevassées, maisons en ruine, sur lesquelles stagnaient de lourds nuages de fumée. Guy et Sylvain cherchaient à comprendre et leur tête leur faisait mal. « Mais qu'est-ce que c'est ce le gros là qui s'avance à notre rencontre et qui nous fait le grand signe ?» dit Guy. « Il porte une écharpe sur le ventre. » Ce serait pas le maire, par hasard? Si, justement, ça tombe à pic. Allez, monsieur le maire, s'écria Léon Lamigraine. Ah, bonjour, messieurs, répondit jovialement l'interpellé. On vient de me signaler votre présence en notre bonne ville, et c'est pour moi une très grande joie de vous y accueillir en des circonstances particulièrement heureuses. Vous tombez en pleine fête. En pleine fête, s'écria Sylvain, mais quelle fête? Ah, c'est toute une histoire. Imaginez-vous, mon cher monsieur, que la nuit dernière, nous avons été surpris par un tremblement de terre qui a flanqué la moitié de la ville par terre. Et c'est ce tremblement de terre que nous célébrons joyeusement aujourd'hui. Comment, monsieur le maire, s'indigna Guy. comprends pas, c'est inconcevable. Vous fêtez un tremblement de terre. Mais oui, mon pauvre homme. N'oubliez pas que non seulement vous êtes du côté d'ailleurs, mais surtout à Chanceville. Oh, rappelez-vous, monsieur, ce qui s'est passé il y a de ça de longues années à San Francisco. Il y a un tremblement de terre terrible et un raz-de-marée terrifiant qui ont complètement détruit la ville. Tandis qu'ici, nous avons bien eu le tremblement de terre, mais pas de raz-de-marée. Et ça n'a flanqué que la moitié de la ville par terre. Non, mais une chance, monsieur. Et il y a beaucoup de victimes, des quantités, monsieur. Mais ceux qui n'ont pas été touchés peuvent remercier le ciel d'avoir une pareille chance. Et ils l'apprécient, croyez-le bien. Monsieur le maire dit alors solennellement Sylvain, le spectacle de votre chance et de celle de vos administrés est une si belle et noble chose que nous considérons, mes amis et moi, comme une veine exceptionnelle de pouvoir contempler cette chance élevée à la hauteur d'une institution. Mais nous ne nous sentons, hélas, pas dignes de la partager, car ce discours fut brutalement interrompu par la chute d'un pan de mur qui s'écroula sur le maire et l'ensevelit complètement. Des sauveteurs accoururent et le dégagèrent rapidement. Guy et Sylvain se précipitèrent, mais rentrèrent leurs condoléances. Car le maire, assis au milieu d'un tas de gravats, rigolait tout ce qu'il savait. « Mais, monsieur le maire, bégaya Guy, pâle d'émotion, mais vous n'êtes pas mort ?»« Eh non, mon ami, c'est juste les deux jambes cassées. »« Eh ben, s'écria Sylvain, vous en avez de la chance. »« Je ne vous le fais pas dire, » conclut le maire. Léon la migraine fit demi-tour. Ils sortirent de la ville sans autre incident notable. En somme, constata Guy, on s'en tira bon compte. « Question de chance, » dit Sylvain, qui dégagea ainsi la morale de l'expédition. À suivre avec désinvolture et d'un air dégagé.